Peak Avenger, votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'une des stars. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça, tout ça? Bah, c'est les Peak Avengers ou c'est pas les Peak Avengers? Et oui, les Peak Avengers, comme toujours, le jeudi soir à 21h, ça ne change pas. Bon, jusqu'à 23h, voire un peu plus tard, même si ces derniers temps, Thierry, on s'est tenu assez sage quand même. Hein. On était proche de 23h. C'est pas toujours la même aventure. C'est beau ça. Oui, mais on venait de se réveiller après 3 semaines de vacances, alors forcément. Comme oui, disait Antoine de Maximi, quand rien n'est prévu, tout est possible. C'est ça. Bah, ce soir, on a prévu de partir en exploration, mais bah, comme tu disais. Mais on ne sait pas jusqu'où on va aller. Ouais, c'est ça. On va voir où la mer nous mènera, ou je sais pas, chercher autre chose. Où le vent nous poussera, nous le. Le vent nous emportera, c'est une musique aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, oui, le vent m'emportera. Nous portera. Ah, c'est le ça. Vent nous portera. Autrement, il y a. Dès que le vent soufflera, je repartira. Ouais. Bon, c'est en tout cas, ça. On a pu entendre Daniel chanter déjà. Daniel, tu peux faire un petit coucou, hein, vu qu'on te voit. Coucou. C'est bien, je lui dis. Ah, ça y est, il commence. Comme quoi, bah, dans toute aventure, il y a quelques mésaventures. C'est ça. Entre autres, ici, il y a 3 mésaventures. Elles s'appellent Daniel, Thierry et Kevin. Hein. Ouais, donc là, bah, on peut voir Thierry et Kevin à la cam. Donc, coucou les gens, coucou sur Twitch, vu que nous sommes en live sur Twitch également. N'hésitez pas à faire comme Cornelius, à venir nous voir également. Bonjour Cornelius, je fais ça bien. Oui, j'espère que tu as passé une bonne journée aussi et que tu te divertiras bien avec nous pour partir en exploration. Si tu trouves un train, un hélico, il y a un hélico jaune qui vient souvent juste à côté. Ouais, c'est ça. Vu que ce soir, oui, nous partons à de l'exploration. On va voyager, j'allais dire. On va faire les aventuriers plutôt. Bah, partant du principe qu'en général un aventurier voyage, tu te trompais pas, hein. Et quand je disais ouais, que. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas faux, Daniel. Quand je disais que je savais pas où on allait, en fait, c'est parce que j'ai lu une citation que j'ai trouvée intéressante qui disait que c'était pas la destination qui était intéressante, mais c'est toutes les aventures, mes aventures qui vont arriver, qui en font la richesse, le sens, en fait. Ouais, d'accord. C'est vrai, en plus, c'est voilà. Vrai. Et ouais. Ça peut faire d'ailleurs que si t'as pas tout prévu ou s'il y a des imprévus, eh bien, tu ne vas pas arriver. Forcément à la destination que tu avais prévue ou à l'heure où tu avais prévu. Alors, on le voit tout à l'heure, j'ai pris une citation d'Antoine de Maximi, on le voit même dans ses émissions, il essaye quand même de cadrer, etc. Que, bah, il faut trouver un moyen d'arriver mais je sais pas où, je sais pas chez qui je vais dormir, etc. Et c'est ça qui en fait la richesse. C'est ça. Alors Cornelius, je vois que tu n'as pas trop suivi l'actu de Pika vu que Teddy n'est plus dans Peak Avenger depuis cette année. Justement. Eh oui, non, on ne l'a pas viré. Non. Enfin, il s'est viré tout seul. Voilà, il a pris un peu quelques congés. Il s'est dit, il faut que je prenne un peu d'air. Hein. C'est ça. Alors, est-ce qu'on l'étouffait ? On n'en sait rien. Mais et voilà. À la radio, il y a de la place pour faire beaucoup d'autres choses. Donc, il faut aussi essayer d'autres choses. C'est voilà. Ça, faut essayer d'autres choses. Mais Teddy est sur une autre émission, sur d'autres émissions aussi. Hein, donc, oui. Sur la classe, notamment, qu'on peut retrouver. Une fois sur deux le mercredi soir. Voilà, et je crois que Starter va peut-être pas tarder à démarrer. Je sais pas. Si, je crois. Eh ben, il y a plein de projets parce qu'il y en a c'est plein ça. De tableaux. Dans voilà, le c'est pour ça, je crois que ça va pas tarder. Donc, faut suivre nos réseaux, faut pas hésiter. Donc Facebook. Voilà, Instagram. C'est ce que j'allais te demander, Daniel, vu que c'est toi qui t'y connais plus. Il me semble qu'on a une page Instagram aussi. Oui, sur laquelle on fait des jolies annonces d'émissions. Là, comme ce soir, d'ailleurs, je suis content. J'ai mis une affiche d'Indiana Jones. Hein. Bon, je me suis pas trompé. On peut retrouver des événements vidéo sur YouTube aussi. C'est ça. Hein. Ah, complètement, on va pas l'oublier, la chaîne YouTube. Hein, on a des choses intéressantes. Hein. J'aime beaucoup l'explication de Cornelius pourquoi Teddy n'est plus dans Pika. Il a pris la grosse tête. J'aime beaucoup. on lui en fera part. Voilà. Oui, Daniel. Oui. Oui. Oui. Tiens, ces histoires là de Thierry là, qui me disait là, ça... des fois tu vas arriver quelque part et tu sais pas où t'arrives. Ça me rappelle une histoire avec un. En plus, comme par hasard, c'est un bus de Belge avec un conducteur. Alors, belge. Juste avant, je me permets d'embrasser tous nos amis belges qui nous écoutent. Hein. Oui, quand évidemment. Même. Ouais. Voilà, donc. J'embrasse toutes les frites. Le hasard est malheureux. Donc, c'était un voyage organisé et ils partaient à la montagne, dans les Alpes. Ouais. Sauf que quand ils ont vu Montpellier dans l'Hérault sur le panneau d'agglomération, ils se sont dit il y a un problème. Hein. Enfin, qu'ils ont vu qu'ils allaient à Montpellier. Et finalement, bah, deux communes avaient le même nom. Et puis, bah, ils sont partis à l'aventure, mais ailleurs. Oui, bah, la semaine dernière, de l'autre côté. Voilà. Il me semble que j'ai parlé d'une ville qui s'appelle Vienne, mais qui est en France, dans la Drôme. Non, dans l'Isère. Dans l'Isère, voilà. Oui. Enfin, j'ai cité ça la semaine dernière. C'est ça qu'il arrive, pour ceux qui ne se souviennent plus, bah, n'hésitez pas à aller réécouter le podcast pour réentendre ça. On retrouve sur indestar.fr. Alors, la rediff Twitch n'est plus disponible. Ah oui, c'est une semaine. Une semaine, ça va vite. Hein. On met une semaine, oui, comme ça, chaque semaine. Ça fait beaucoup de semaines, là, quand même, dans ma phrase. Oui. Donc, comme ça, bah, chaque semaine, vous pouvez nous voir chaque en direct. Chaque période de 7 jours. Ou pour ceux qui ne peuvent pas nous voir en direct, il y a les rediffusions qui servent à ça. Bon, certes, vous n'avez pas l'interaction du chat, mais ça vous permet de nous voir. Et si vous voulez un vrai direct, bah, vous venez au studio, puis c'est tout. Ça, oui, aussi, ça passe aussi, ça. Ouais, Thierry a bien vu. Oui, c'est vrai qu'on vous encourage à venir. Ou alors, vous nous appelez 0970 407 306. Ouais. Non, mais la porte était fermée, Kevin aurait pu le dire. Hein. Ouais, mais il a été plus rapide que moi, donc c'est pas ma faute. Je l'ai dit tellement vite qu'à mon avis, ils l'ont pas noté, le truc. Bon, on peut le redonner, 09 70 407 306. Ouais. Tu parlais de l'émission de la semaine dernière, c'est vrai que c'est bien. On avait un invité surprise en milieu d'émission qui a parlé. Ah oui, avec des grandes oreilles. Oui. Voilà. Des grandes oreilles. Ouais. Qui malheureusement sera pas là cette semaine parce qu'il est malade. Il nous a appelé, il nous a dit bon, avec la voix de Mickey, évidemment, faut imaginer. Moi, je. Ah bah, on s'est fait Mickey cette semaine. Oui, on s'est fait Mickey. Cette semaine, voilà. Oh là là. Ouais. Donc, si vous en voulez d'autres. C'est ça. Donc oui, Mickey ne sera pas là. Il est tombé malade. Voilà. Et c'est dommage. Voilà. Mais on le retrouvera. Mais il viendra. On fait des gros bisous à Mickey si tu nous écoutes. Hein. Coucou et merci d'être parmi nous. Au fond de ton lit, on espère que tu n'es pas en train de tester. Ne fais pas trop de bêtises pour pas te faire tirer les oreilles parce qu'elles sont déjà assez grandes. Ouais, elles sont déjà assez grandes. Remarque le personnage aussi, là, ils ont des grandes oreilles. Là. Bah, surtout, hein. Et... Oui. Oui, le petit Pika qu'on peut voir à droite. En pointe, mais Bébert, il a aussi des grandes oreilles, elles sont un peu recourbées. Ouais. Il va falloir les repasser. Ouais, d'ailleurs, elles sont un peu attachées, d'ailleurs. Ouais. Ah. On a attaché Bébert. C'est parce qu'il est attachant. C'est ça. Il y en a d'autres qui sont attachants ici. Mais... Comme toujours. Ouais. Surtout nous. Il faut acheter du détachion. Oh, l'idée. Je vais demander ça au Leclerc la prochaine fois. Vous avez du détachion, ils vont m'envoyer du détachion. Non, du détachion. Oh là là, cette idée. En attendant, ce qu'on peut faire, on peut écouter une musique aussi. C'est dans les choses faisables. Ça arrache, ce soir. Bah, ce soir, on écoute Pick Avenger. Justement, ce soir, oui. Ça arrache ce soir. Ça arrache, oui. Bah, on écoute Pick Avenger et on revient juste après les copains. Ah, attends. Indestar. Indestar, là où tout commence. The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head. Instead of going under, cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head. Attends, j'ai un souci, là. Instead of going under. Ah ouais, là, ah ouais. Je trouve que là, oui, c'est pas ça. Seems like each time I'm with you I lose my mind, because I'm bending over backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it's too far. Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head. Instead of going under, cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head. Instead of going under, instead of going under, instead of going under. It took so long for this to die. Cause I hate it when you fake it. You Avenger, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Et oui, faut pas rater les Peak Avengers, comme toujours. Hein. Ah non, s'il y a une chose à pas rater, c'est bien les Peak Avengers. Bah oui, hein, chaque jeudi soir, faut le réserver, hein, jeudi soir, voilà, pour nous écouter, pour venir délire avec nous, passer un bon moment, vu que c'est le principal quand même. Voilà, comme a fait Cornelius d'ailleurs. Oui, venir un petit peu. Voilà, oui, venir un petit peu, oui. On voilà, maîtrise pas tout, on connaît juste le chemin. Et encore, même le chemin, des fois, on le connaît pas. Donc, ça devient compliqué. Et puis, j'avoue qu'on peut même arriver un petit peu de partout, là, ici. Hein, sous, ouais, c'est assez, ça vient de partout. Ouais, ouais. Même que tu ferais trois fois le tour d'Amboise, c'est fini par y arriver. Évidemment, oui. Donc, on va commencer, vu que ce soir, c'est aventure. Ouais. quel aventurier est-ce que vous auriez bien aimé tous les deux être, en vrai? Ah. Tiens, vas-y Daniel, commence, vu que t'as l'air d'être... Alors, oui, parce que, en fait, moi je me prépare depuis quelques jours à cette émission. Tricheur. Quand même. Ah oui, non mais bon, l'aventure c'est un peu dans mes gènes, j'ai toujours voulu barbouder. Bon, le hasard a fait que ça s'est pas souvent produit, mais bon, voilà. Ça c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. En tout cas, si t'as l'imagination fertile, on est sans cesse déjà en aventure, même en restant sur place. Ça oui, complètement, oui. Ça, c'est une forme d'aventure d'ailleurs, de les créer, de les vivre de cette façon-là. Hein. C'en est une. Alors, moi j'ai retenu deux noms. Un... Allez, je vais commencer par le connu. D'accord. Hein, qui est actuel. Bon, j'aurais pu prendre un ancien, mais non. Moi, j'ai pensé à Mike Horn. Ouais. Hein, qui est un aventurier contemporain, actuel. C'est ça. Qui, ces dernières années, s'est aperçu qu'il fallait peut-être qu'il lève un petit peu le pied quand même, hein, parce que le pauvre... il se fatigue un petit peu quand même de temps en temps. Hein. Et puis bon, il est plus tout jeune non plus, il me semble. Oui, il approche de la soixantaine, je sais pas s'il est là, mais il approche. Oui, mais maintenant la retraite est reculée. Ah oui, c'est vrai. Alors, Mike, tu retournes au boulot là. Mike retourne. C'est un type qui a fait plein de choses. Alors, si je me trompe pas, il doit être de nationalité suisse et sud-africaine, quelque chose comme ça. Ah, j'aurais pensé à autre chose, parce que D'accord. Je me disais, tiens, le Cap Horn. Oui, bah oui, le Cap Horn, ouais, oui, bah oui. J'ai pensé aussi en voyant son nom, d'ailleurs. Mais... Alors, est-ce que c'est un pseudo qu'il a pris exprès, ou est-ce que c'est son vrai nom? Bon, voilà. On ne sait pas. Hein. Voilà, c'est parmi les noms. Ah, voilà. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait partie... Alors, ça l'aide peut-être beaucoup quand même pour ses aventures. C'est quelqu'un qui a fait partie des forces spéciales sud-américaines. Ouais. Donc, qui a quand même une certaine expérience de la survie. Et vu ce qu'il fait, par exemple, explorer la cordillère des Andes. Là, il a traversé, je crois, aussi l'Amérique du Sud tout seul. Sans moyens motorisés, hein. Ouais. Donc à pied, alors il a peut-être pris un vélo, je sais pas, en pirogue, mais il l'a traversé pas de haut en bas, je crois, mais de long en large, hein, il me semble que ça doit être ça. Mais c'est vrai que lui, à chaque fois, vu que je sais qu'il a une chaîne YouTube aussi, à chaque fois il met des trucs dessus, ouais. C'est fou, hein, quand on voit ce qu'il peut faire, c'est impressionnant. C'est pour ça que je vais pas détailler ce qu'il fait, parce que ça n'a pas vraiment, vraiment d'intérêt pour nous. Il a tellement d'images, tellement rapporté d'images, tellement fait de sujets dessus. Mais c'est quand même quelqu'un que j'admire quand même. Et quelque part, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire tous ces voyages. Alors, peut-être pas traverser l'Amazonie quand même, parce que là, c'est vrai que... c'est chaud. Je suis peut-être pas assez aventurier pour ça, je dois avouer. Il y a quand même des limites, hein. Ouais. Et... La limite, rencontrer une Amazone. Ça, je veux bien, ça. Mais si tu vas pas jusque-là, tu passes une commande sur Amazon. À la limite, je veux pas aller voir en Amazonie, mais si l'Amazone veut venir à moi, c'est pas un problème, hein. D'accord, donc Mike Horn pour le premier. Voilà. Et le deuxième, tiens, j'ai pas regardé elle vient jusqu'à ta zone. T'es un zonard. Je ne sais pas. T'as pas un zonard. C'est... Alors, est-ce que je vais foutre la zone aussi? Je sais pas. Hein. On ne sait pas. Hein? La couche d'ozone. Encore une histoire de zone dans l'eau. Ouais, c'est ça. C'est un dénommé Graham Hughes, qui est beaucoup moins connu. En fait, lui, il a visité, sans prendre l'avion, tous les pays de la planète. Il est parti d'un pays, il les a tous visités, il a traversé, éventuellement retraversé. Oui, en presque 4 ans. C'est exact, tu connais le monsieur? Oui. Ah. D'accord. Oui, il s'est mis comme défi de visiter tous les pays du monde, et je prendrai le train, le bateau, tout ce qui se présentera, mais pas l'avion. Pas l'avion, c'est l'avion. Ça. Donc forcément, les années, on en a été c'est trop. Ça, ouais. Voilà, donc pour être précis, 3 ans, 11 mois et 26 jours, donc presque 4 ans. Ouais. Et donc ça a fait 201 pays visités. Ah ouais. C'était quoi, autour des années 2010 ou je sais pas ce que j'ai trouvé. Il est parti le 1er janvier 2009. 2009, c'est ça, oui. Donc il est 2009, 2010, 2011. Il est arrivé pour fêter la fin le 1er janvier 2012. Ok, d'accord. Donc ces deux-là pour toi. Et tu as 60, il me semble qu'il était assez jeune quand il a fait ça. Bah en tout cas, il n'était pas vieux. Ouais. ça n'a pas d'importance, mais il me semble, ouais. Il me semble qu'il était assez jeune. D'accord. Une trentaine d'années même pas, je crois. Ouais, enfin, mais c'est je vais chercher. Mais je crois que c'est à peu près, oui, quelque chose comme ça, oui. Ok. Toi, Thierry, si tu avais un aventurier à être ou... Oui, alors, bon, je n'ai pas forcément réfléchi comme ça, mais je pensais tout à l'heure, je me disais, tiens, bah, quelqu'un peut-être qui est à peu près mon âge, Sylvain Tesson. Pourquoi ? Parce que c'est un grand voyageur, c'est quelqu'un qui a écrit des récits de voyage. Et moi, ça m'aurait bien plu. Enfin, moi, j'aime bien la littérature, mais j'aime bien écrire, j'aime bien les voyages, etc. J'aime bien maintenant l'histoire. Il fait de la radio aussi. On a ça en commun. Ah. Quoi. Je me dis, il a voyagé, il a écrit ses récits de voyage et plein d'autres choses, et il fait de la radio, voilà. Et il a invité un peu partout pour raconter. Et oui, je trouve qu'il est très très cultivé, très intéressant à écouter, à suivre. Donc nous avons notre Sylvain Tesson à nous. C'est ça. En la personne de Thierry. C'est ça, on l'a avec Thierry. Ouais. Voilà. Mais tu vois, c'est bien pour l'émission parce que j'avais pas pensé à ça. J'ai bien un personnage de fiction depuis longtemps, mais une vraie personne. Ouais. Ça, ce sera plus tard, pour plus tard, ça, personnage de fiction. Oui. Oui. Et toi, Kevin? Alors moi, c'est pareil, ça va être un peu comme Thierry, ça va venir d'une passion aussi, ce serait Cyril Choquet. Qui est un pêcheur qu'on voit faire pas mal l'aventurier aussi par rapport à, qu'on a vu aller en Amazonie ou tout ça. Et j'avoue que lui, j'adore la pêche, donc forcément ça aide aussi. C'est vrai que t'es un passionné de pêche. On le dit jamais, mais c'est vrai que t'es un passionné. J'adore de la pêche. Ouais. T'as toujours la pêche. Oui. Oui aussi, toujours oui. Mais ouais, s'il y en avait un, ce serait bien lui, Cyril Choquet, je pense. Bien, et t'as des souvenirs parce qu'il a pêché, parce que t'as vu. Alors, j'ai vu, oui, il s'est rendu en Floride pour faire une aide par rapport à l'institut médico là-bas par rapport aux requins, par rapport aux morceurs de requins. Donc il a fallu qu'il aille pêcher les 4 espèces les plus dangereuses en Floride. Il a traversé l'Amazonie pour choper des piraibas, ce qu'on appelle. Des piraibas. En gros, c'est des gros poissons qui sont assez méchants. Je connaissais les piranhas, mais pas les piraibas. Justement, il a été pêché de piranhas là-bas aussi. C'est encore plus en profondeur. c'est ça. Très bas, ouais. Bon, évidemment, qui dit Amazonie, dit anguille électrique aussi. Il a eu... On pourrait l'utiliser, ça. Ça, c'est bien, vu l'augmentation des tarifs. Ouais, on va faire un élevage d'anguille électrique. Ça va peut-être nous rapporter. Hein. Oui, il s'est rendu en Afrique aussi. Ouais. Bon, par contre, Afrique, c'est ce qu'il racontait, entre les éléphants et les crocodiles, ce qu'il disait, se faire charger par un éléphant, c'est pas cool. Ouais, en plus, ça se pêche pas, donc il est pas... Non, c'est pas ouf, ouais. C'est pas dans son truc, là, en effet, oui. Ah. Et donc, voilà, ce serait lui pour moi. Se méfier surtout si tu vois un petit éléphant. Oh, il est mignon, machin, t'approches pas parce que la mer est pas loin. Ouais, la mer est pas loin. Ouais. La mer, pas la mer du pêcheur. Et elle va faire des vagues. Ouais. Et non, mais comme tous les petits animaux, quoi, si c'est pas forcément s'approcher Mimi, c'est parce ça. Que maman, maman, elle est pas contente souvent. Oui, puis les mamans protègent énormément leurs petits chez les mammifères. Chez les mammifères, oui, c'est c'est sacré. Hein. Ça, c'est ce qu'il disait aussi, c'est les hippopotames. Ah, en Afrique. Les mammifères et les papifères aussi. Ou... Ah, les papifères, peut-être, on va savoir. Qui a-t-il à y faire, au mammifère? Ça fait beaucoup d'y faire, là. Ouais. Oh, mamie. C'est très différent. Très différent. Iran. Bon, ben, je vais vous laisser parce que j'ai une aventure. Tu me fais un bel âne, toi, Daniel. Ouais, hein, n'est-ce pas, hein. Ouais. Un aventure. Ouais. Un aventure. Au suivant. Au suivant. Musique, Thierry, alors? Ah, une citation avant la musique. Ah oui, une citation, oui. Allez. Non, mais ça a un rapport avec Indestar, c'est un endroit où il fait bon, allez. Bon, il n'y a pas de raccourci vers les endroits qui en valent la peine. C'est quoi un raccourci? Bah, c'est un rat qu'on a coursé. Ah d'accord. Faut qu'on a coursé. Alors il y a un raccourci. Voilà. Et qui a dit ça? Il n'y a pas de raccourci. Beverly. Alors attends, je viens de déchirer mon papier. c'est Beverly quelque chose. Beverly Hofstetter. Beverly Seals. Ah c'était. Beverly j'avais pas Seals. La bonne. D'accord. Ouais. T'étais pas loin. Ah oui, parce que moi une fois que j'ai fini, tu sais, je déchire. Daniel, est-ce que tu auras la bonne musique alors? Oui, tout à l'heure, oui, on a eu en plus Minority 19 Into Deep, oui. Ah oui, la programmation, voilà, elle a été faite comme ça. Et voilà. Mais là, ce coup-ci, on en a qu'une et ça va être la bonne. Oui, c'est laquelle ? Vu que c'est ça, moi, que je te demandais, voilà, en fait. C'est Anna Waddle. Oui. Philippe Steele. D'accord. Il me semble que c'est de Portugal The Man. Oui, c'est un cover. Oui, c'est quel drôle de nom, Portugal The Man. Ouais. Ah, c'est... Ça, c'est... C'est bizarre. Ouais. Bon, ouais. En tout cas, c'est sur Indestar, comme tout. Bon, monde. Allez, on lance. Ouais. Ah. Et on revient après pour Twitch. N'est-ce pas ? Can't keep my hands to myself. Dust them off, put them back on the shelf. In case my little baby's in need. And I'm coming out of left field. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your feel, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave her with the babysitter, mama called the grave digger. Gone with the falling leaves, and I'm coming out of left field. Oh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling this since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Oh, I'm a rebel just for kicks now. I've been kicking it since 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Is it coming? Is it coming? Is it coming? Is it coming? Is it coming? Is it coming back? Is it coming? Is it coming? Is it coming? Is it coming? Is it coming? Is it coming back? Now, might have had your feel, but I feel it still. Oh, I'm a rebel just for kicks now. I've been kicking you since 1986 now. Might have had your feel, but I feel it still. Hey les amis, la pop culture, c'est Peak Avenger sur Indestar. Mais à chaque fois, je vais me faire avoir, je crois. Je le dis chaque semaine, à chaque fois, je me fais avoir avec celui-là. Ouais, mais même moi aussi, hein, j'ai à peine le temps de réagir, en fait. Hein. Oh, après... Hein. Ouais. Bon, bref, on va continuer cette aventure avec les Vikings. Oh, attention, ils arrivent, les Vikings. Ça y est. Alors, on va commencer par un petit point pop culture, vu que très souvent... La pop culture nous a montré les Vikings comme des monstrueux guerriers assoiffés de sang ou totalement stupides pour certaines œuvres. J'ai l'impression que tu vises qu'il y a une œuvre là. Non, voyons. Non. Si. Coucou Astérix au passage. Hein. Vu qu'Astérix, il nous montre les Vikings comme stupides. Bah oui, c'est vrai, oui. Oh, il nous montre plein de choses comme tu oui, c'est ça. Ah, c'est... Y compris autodérision, quoi. Oui. Ouais. Non, mais en plus, oui, quand en tu plus, fais quelque chose de stupide, il y a de l'autodérision dedans. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que non, les Vikings, c'était pas seulement ça, et c'était avant tout des marins exceptionnels, faut pas l'oublier, et des marchands hors pair. Ah. Oui. Et donc, on va voir. Aussi, vu qu'on dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en premier. Le nouveau monde. Oui, le nouveau monde, oui, parce que oui, si on dit aux Amérindiens, on va dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ils vont dire, bah, on était là avant, donc c'est pas lui qui l'a découvert. Oui, mais puis, le nouveau monde, pas forcément allé tout est où il voulait aller, route des Indes, voilà, chose, c'est ça. Comme ça, quoi. Mmh. Bon. Mais c'est les Vikings les premiers à y avoir posé le pied. Oui, complètement. C'est eux les premiers à l'avoir découvert, justement. Donc. Mais avant d'aller voir ça, bon, on va un petit peu parler d'un viking qui s'appelait Éric le Rouge, qui était donc un explorateur qui a été condamné à l'exil suite à un meurtre. Donc c'est quand même un mec qui de base explorait pas mal, tout ça, mais bon, on lui a dit tu dégages vu que t'as tué. Donc, il se rendra au Groenland lui notamment, en premier lieu. Donc le voyage a été... Il a mis un pull. Je pense qu'ils sont habitués au froid eux. Donc il ira là-bas, le voyage n'était pas sans risque vu que sur 25 navires qui sont partis avec lui, seulement 14 arriveront au Groenland. Ce qui... Ah, c'était l'aventure. Ouais, mais mine de rien, pour l'époque, quand tu vois les navires des Vikings, vu que bon, c'était quand même pas non plus des navires ultra forts, comme par exemple Christophe Colomb a pu avoir, c'était pas... Ah, c'était pas des... Oui. Non, c'était pas des galions, c'était pas tout ça. Mais bon, ouais. Même Christophe Colomb, il est pas parti tout seul. Hein. Voilà, et c'est ça. Les bateaux qui sont partis avec, et puis l'embarcation. Non, les transatants en solitaire, ils faisaient non, pas encore à l'époque. Pas, donc, là-bas, ils feront la connaissance d'un peuple, les Inuits. C'est Inuit ? C'est Inuit. C'est Inuit. Hein. C'est Inuit. Ouais. Jour Inuit. C'est ça. Donc, alors, si on se souvient de ce que j'ai dit, les Vikings étaient des marchands hors pair. Eh ben, ça n'échappe pas. Avec eux, ils faisaient des affaires aussi. Ils ne faisaient pas d'impair parce qu'ils étaient hors pair. Non, et en plus, ils s'entendaient bien, les cons. C'est difficile de jouer aux cartes avec des gens pareils. Oui, c'est compliqué. Donc, vu que le Groenland a ses limites, vu que c'est que de la glace, On suce de la glace. Eh ben, on suce de la glace. D'ailleurs, paradoxalement, oui, le Groenland, pays de glace, qui s'appelle le Groenvert, donc dans les langues scandinaves, land, pays vert. C'est ça. C'est... Mais il y a une raison. Donc, il va reprendre la mer pour aller vers l'ouest. Donc, à l'ouest du Groenland, il y a quoi ? Il y a l'Amérique. Sauf que lui, ne cherchait pas la route des Indes. Carrément, non. Carrément à l'ouest. Non, lui, il s'est dit, plutôt que d'aller là-bas où on connaît, on va aller par là. Voilà. Alors, là, il y a un petit problème, vu que ces récits-là ont été racontés dans ce qu'on appelle la saga scandinave. Parce que tout ça s'écrit après les événements. Aïe. Voilà, c'est ça. Donc, les versions se contredisent. Pour qui l'a découvert, donc. Pour la version du Groenland, donc moi, j'ai appelé ça la version groenlandaise. Et non pas fait. Grolandaise. Non, c'est non ça. Ne confondez pas, s'il vous ne plaît. Ne confondons pas. Il s'agirait de Bjarni Herjolfsson, qui aurait aperçu une terre en premier. Terre. Ouais, il a dû gueuler. Terre. Cannibale a vu. Et pour la deuxième saga, donc c'est celle d'Éric le Rouge, il s'agirait de Leif Erikson, donc le fils de Eric, qui aurait vu l'Amérique en premier lors de l'an 1000. Pour le premier que j'ai nommé, on n'a pas la date non plus. C'est un peu le problème. D'ailleurs. Est-ce qu'il savait à l'époque C'est ça le truc. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ça soit Éric le Rouge, ça aurait pu être Éric le Vert, parce que peut-être que celui qui l'a écrit était daltonien et peut-être que. Éric le Blanc aussi, hein. Ça aurait pu être. Ouais, mais le daltonisme avec. Vin blanc. Ah, à force de voir de la glace. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, oui, c'est vrai, oui. Ça aurait pu être ça. Ouais. Donc, lorsque Leif va continuer son voyage, il débarquera dans le sud, donc nous, ce qui était le sud à l'époque, et donc il va faire construire un campement, forcément chose classique, il y passera l'hiver, et ensuite il repartira. Ouais, il a juste été explorer un petit peu, tout ça, il n'a pas été trop loin, vu que c'était une des premières expéditions, donc juste un peu tâter le terrain, comme on dit. Et c'est là que va rentrer en scène. J'aime bien cette expression. Il va rentrer en scène. Je l'adore. Donc, ouvrez le rideau. Attends. Roulement de tambour. Oui, entrez. Ça y est, les trois coups ont été frappés. Il rentre en scène. Et là, on a Thorvald Eriksson, qui est le frère de Leif, qui va venir, qui va le rejoindre à un moment. Sauf que lui, plutôt que de repartir, il va rester. Donc il va continuer à explorer, tout ça. Sauf que là, il va rencontrer un peuple local que les Vikings vont baptiser les Skrælling. Mais le problème, c'est que tous les peuples qu'ils vont rencontrer, peu importe lequel c'est, ils vont tous les appeler les Skrælling. Ouais, ça fait péjoratif. Ouais. Oui. Puis ça fait un peu non de jeu vidéo, je trouve, les Skrælling. On a l'impression que ça sort de l'imagination d'un créateur. C'est de... ça. Alors que bon, maintenant on sait, selon les historiens, il aurait rencontré des Algonquins, plutôt. Ouais, donc c'est vraiment Amérique du Nord, là. C'est ça. Ouais. Là, c'est vraiment ils l'Amérique pas du des Nord. Salles qu'on... voilà. Non, c'est ça. Mais donc, comme on peut voir, les Vikings étaient des explorateurs assez forts, et contrairement à tout ce que peut nous montrer la pop culture, mine de rien, la pop culture a plus embelli le côté guerrier, froid, assoiffé peut-être de sang. Peut-être ce qu'elle nous a montré de vrai, c'est qu'ils ne s'épilaient pas à l'époque. Ni le torse, ni rien. C'est vrai que oui. Oui. Donc, ou même dans les jeux, type For Honor, Assassin's Creed, où on peut voir les Vikings comme pensant qu'à boire au final dans ces deux jeux là. Et ouais, bon, peut-être qu'il y pensait, hein, mais voilà. Oui, de toute façon, à l'époque. Pour reprendre un autre exemple, dans Astérix, quand on voit quand ils ramènent le champion de la peur, tout de suite, ils font un banquet, ils boivent. Oui, et puis on n'hésite pas à nous montrer quand on embarque sur les bateaux les tonneaux remplis. Bon, c'est forcément, il y en avait. Hein. Ah, de toute façon, à l'époque, l'eau était quand même pas vraiment, on va dire, était transmetteur de maladies, vecteur de maladies, de toute façon. Donc, une boisson alcoolisée, la bière, la cervoise à l'époque. Et on sait que pour faire partir les gens dans des aventures où on risquait d'y rester, il fallait pas qu'ils partent conscients de tout, quoi. Hein. C'est ça. Ouais, aussi, peut-être, oui. Oui. Mais oui, donc comme on a pu voir, les Vikings, oui, ils se battaient. Oui, c'était de formidables guerriers. Oui, ils pouvaient être cruels. Mais c'était pas que ça, uniquement c'était des marchands exceptionnels, vu qu'il faut pas oublier que l'essence de ce qu'on appelle viking, ça vient de là. Ça vient justement du fait qu'ils marchandaient beaucoup. Bon, que ce soit pour le Groenland, l'ivoire de morse, notamment, qui marchandait avec les Inuits. Après, le bois, tout ça qu'ils récupéraient. Donc oui, ça faisait tout ça, mais ça voyageait pas mal, ça explorait beaucoup. Donc mine de rien, ils ont beaucoup exploré. Oui, c'est vrai que c'était des grands explorateurs. C'est oui. Ça. Ouais. C'est même la qualité que je leur mettrais au-dessus de tout le reste. C'est le fait qu'ils exploraient autant. Ouais. Ils étaient meilleurs explorateurs que celui de Windows. Oui, oui, je pense. En même temps, ils n'avaient pas de mal, là. Ouais, il n'y avait pas trop de mal. Ouais. Ils surfaient bien sur la vague. Ils savaient naviguer, eux. Ouais, eux. Et donc, voilà un peu les Vikings. Bon, évidemment, je n'ai pas tout parlé de ce qu'ils ont fait, vu que bon, il y a beaucoup trop à faire. Oui, mais c'est bien, t'as remis quand même en place un certaines choses. Voilà, vu que la pop culture, oui, c'est bien, tout ça, ça nous permet de connaître des trucs. Je vais prendre l'exemple d'un manga qui va continuer récemment, Valkyrie Apocalypse, qui met en avant des personnages historiques. Mais faut regarder derrière ce qu'il y a aussi. Vu qu'au final, ce que nous montre la pop culture n'est pas forcément vrai. C'est bien de remettre, en tout cas, par rapport à l'histoire, l'intérêt des voies navigables. C'est pas c'est que ça. Découvrir des territoires, c'est d'aller voir les richesses et les faire des échanges, du ça. Commerce. Il y a tout ça à voir. Donc, oui, c'est bien, ça permet de mettre en avant, mais il faut voir tout le reste à côté. Complètement. Et je trouvais ça bien de parler des Vikings dans notre terme aussi. Oui, parce que ce sont pas, comme tu disais, les brutes épaisses que c'était loin qu'on nous là. Vend. Oui, qu'on nous vend. Qu'on peut le dire comme ça. Oui, ouais. Ils ne faisaient pas que péter la gueule aux bateaux qui se présentaient devant eux. C'est ça. Une fois qu'ils avaient pété la gueule, ils prenaient les richesses. C'était ça en plus, c'est ça le pire. Et, ouais. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une chose dont on parle jamais, tu parlais que c'était des commerçants, d'excellents commerçants. Et quand on apprend l'histoire à l'école, on nous apprend que les Phéniciens étaient des bons commerçants. Aussi. Mais on nous apprend pas que les Vikings aussi étaient... C'est ça, vu que ce qui fait qu'on a retrouvé des passages des Vikings en Amérique, c'est bon, on a retrouvé des camps, on a retrouvé tout ça en ruines, mais on a surtout retrouvé une pièce d'argent viking aussi. On en a retrouvé des pièces d'argent là-bas. Ouais. Et c'est ça qui nous a montré que, oui, ils ont été là-bas, mais c'était pas pour se battre uniquement. C'était pour commercer, pour essayer de voir un petit peu, prendre la température, je dirais. Ouais, alors, il faisait froid là-bas. Hein. Ouais, je pense. Complètement. Bah après ce petit passage viking, on peut écouter une musique, je pense. On fait un passage musical. Ah ouais, c'est beau, un passage musical. Là, j'arrivais pas à trouver le terme. Ouais. Donc, on va écouter Allergy, Shape of Butter. Of butter, j'aime bien le Shape titre. Of butter. Ouais. Et de toute façon, dès qu'il y a du beurre, t'aimes bien. L'ombre du beurre. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est sur Indestar, comme toujours. Indestar. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible. Ah? Et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi. Un nouveau collège en construction, un nouveau pas vers l'éducation.

Et puis tous les gens qui le voyaient, ah, oh, Antoine de Maximi. Alors je crois que c'est Nouvelle-Calédonie, je suis pas sûr, c'est ça ou Tahiti, c'est l'un des deux. Mais et tout le monde, et puis Antoine de Maximi, il a dit au bout d'une ou deux heures, c'est pas dit, ça que je veux. Bah, quoi. Voilà, il a été obligé de. Ouais. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, ils ont dû remarquer que là, oui, c'est bon, c'est le bon doigt, que par là dans le coin, il y avait un DVD au début. Eh ben quelqu'un l'a fauché. Eh oui, je l'ai fauché. Non, c'était pour le montrer de plus près. La faucheuse s'est réveillée. L'aventure, c'est l'aventure que Thierry nous a apporté. C'est un vieux film, mais bon, ça fait partie des classiques. L'Inno Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, bon voilà. Alors c'est pas forcément même Johnny Hallyday. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est pas forcément évident avec le regard d'aujourd'hui, mais ça peut valoir le coup si vous voulez savoir comment c'est fait. Voilà. Oui, Aldo Bacion. Donc ça veut dire que ça date vraiment. C'est écrit trop petit, je peux pas voir. Bon, c'est vrai que c'est écrit petit. Donc tout à l'heure, Daniel, tu nous as dit que dans ta tête, t'étais déjà parti à l'aventure. Oui, t'aurais pu nous attendre quand même. Ah bah oui, vous étiez là assis devant vos micros avec les casques sur la tête. Je me suis dit, oh bah je vais pas les déranger. Comme hein, si ils sont toi, trop bien là. Comme si toi t'étais assis et pas avec un casque sur un micro. Ah bon? T'es souhaité, Kevin. Avant, je m'en suis pas aperçu. Non, mais un casque sur le micro, déjà. La radio, c'est déjà une grande aventure. Hein. Ouais, c'est ça. À notre petite échelle. Non, mais c'est vrai que tous les jeudis soirs, avec nous, les gens partent à l'aventure. Hein. Oui. Ouais. Donc là, toi, Daniel, tu nous emmènes où? Je vous emmène autour du monde. D'accord. Alors, ça, c'est une grande aventure. Oui. Alors, justement, c'est aussi une vieille série. Alors, je ne l'ai pas choisi quand même par hasard, parce que cette série, finalement, sert de modèle pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'autres séries. Ça s'appelle les Globetrotters. Ouais. Les plus anciens parmi nous s'en souviennent peut-être. C'est la série qui a fait connaître Yves Régnier, qui a fait aussi que Édouard Mix, finalement, est venu en France et a fini par s'installer en France. Il y a eu trois saisons de tournée, de chacune 13 épisodes, si je ne me trompe pas, de 30 minutes, une demi-heure. Et l'idée, c'est un journaliste avec son photographe qui part en voyage. Alors, qui part théoriquement pour faire le tour du monde. Et si on regarde bien, il ne fait pas tout à fait. Mais bon, on peut dire, si presque complètement, sur les trois saisons, on peut dire qu'ils le font presque complètement. Okay. Et le truc, c'est de faire le tour du monde sans un sou en poche. Ah oui, ça, c'est pas mal. Ouais. Ou alors presque, enfin... sur avec quelques pas économies, chose, avec seulement leurs économies qui ne sont pas énormes, avec pas grand chose. Alors, ils visitent plein de pays. Donc, alors, ils partent de France. On a le premier épisode qui est à Paris, qui nous permet de voir pourquoi ça se lance, pourquoi c'est comme ça. Ils partent à Marseille, ensuite en Italie, en Turquie, en Birmanie. Pour la première saison, ils vont en Thaïlande. À Hong Kong, il reste quand même deux épisodes à Hong Kong. Ouais, déjà, mine de rien, tu pars de la France pour aller en Thaïlande ou à Hong Kong. Déjà, mine de rien, ça fait un petit trajet. Voilà, les Philippines, avec Manny, ils sont pas... et Tokyo. Et Tokyo, ok. Voilà, ça, c'est pour la première saison. Ouais, mine de rien, France, pour finir, Paris, de Paris à Tokyo, mine de rien. Bah, c'est la moitié de la planète, C'est ça, et faire ça avec pas grand-chose. Ouais. Alors bon, on les suit dans leurs astuces, dans tout ça, dans leurs péripéties, qui sont... Il en arrive des vertes et des pas mûres. Et cette série, par rapport au monde de la télévision française, a quand même quelque chose d'important. C'est la première série entièrement française qui a été diffusée aux États-Unis. Ah oui ? Oui. Donc pour replacer quand même dans le contexte de l'époque... C'était quand même... Tu dis le contexte de l'époque, tu n'as pas donné la date, il me semble. Ah oui, pardon. La première diffusion, c'est le 16 octobre 1966. Oui, donc en 66, c'est... Ouais. Donc, les séries françaises, c'était quand même... pas du tout aventureux, c'était plus vraiment franchouillard, sans vouloir être critiqué. Mais voilà, c'est l'esprit français, ça n'a rien à voir avec l'esprit américain qu'il y avait déjà. Et avoir quand même une série française qui est diffusée aux États-Unis. Oui, c'est bien. Pour l'époque, c'est même très bien. Oui, et ce qui a fait quand même le succès de cette série, c'est qu'à l'époque, les gens ne voyageaient pas. Oui. Et donc, les épisodes de 30 minutes étaient tournés sur environ une dizaine de jours. D'accord. Et donc, sur 10 jours de... Voilà, des fois un peu plus, ça pouvait aller à 2 semaines, mais ça dépassait pas les 2 semaines. D'accord. Quand on sait que pour tourner un film, 5 minutes sur une journée, c'est déjà pas mal. Oui. Alors le temps de préparer, d'arriver sur place, parce qu'ils arrivaient, il fallait qu'ils cherchent tout sur place. Ouais, ils regardaient rien avant. Il n'y avait rien de préparé. Donc le film, la série parle elle-même, c'était déjà une aventure de la créer. D'accord. Ouais, donc ouais, il y a eu beaucoup de choses à faire à côté, oui. Beaucoup de choses à créer et à rechercher. À rechercher, ils arrivaient, ils recherchaient vraiment sur place. Alors, si vous voulez des anecdotes dessus, il y a Edouard Mix qui avait sorti un livre qui s'appelle Ma grande aventure. D'accord. Et où il parle quand même beaucoup de cette série qui elle fut pour lui un moment très important. Il y a quand même quelques petites anecdotes qui ont fuité. Alors par exemple en Thaïlande, ils voulaient jouer, donc ils avaient besoin d'un bronze pour le rôle, donc avec le crâne rasé, et ils ont demandé à un acteur de se raser. Ouais. Sauf que l'Office national des bronzes a appris ça et ils ont dit pas question en Thaïlande, chez nous il y a que les bronzes qui peuvent avoir le crâne rasé. Donc, lui, déjà, bah, c'est pas bien. Et ensuite, si vous voulez un bronze, bah, il va falloir que ça en soit un vrai qui tourne. Et pas info. En d'autres mots, il va falloir qu'on vous en prête un. Complètement, ouais. Complètement. Il y a eu aussi, alors, au début, il devait passer en Inde. Mais bah, il y a eu un conflit à l'époque entre l'Inde et le Pakistan au moment du. Ah, donc, ouais, forcément, oui. Donc, ils se sont rabattus. C'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur la Thaïlande. Et là. Là, il s'en est passé une. Il y a un prince qui est arrivé ivre, armé d'une carabine, sur le plateau. Et donc, il est arrivé, et voilà. Qui a semé la panique. Alors, ici aussi, ils ont vu aussi quelqu'un. Donc, ils ont vu un cobra royal se promener carrément dans les dédales d'un couloir. Ouais. Ouais, donc oui, je sais, Kevin. Oui, voilà. Alors, on n'a pas vu que je n'étais pas sur moi, mais j'ai eu un sacré frisson à ce moment-là. Ouais, bah oui, t'as une phobie des serpents, en effet. En vrai, c'est même plus une phobie à ce moment-là. Et tout le monde connaît Yves Régnier depuis. Enfin, Yves Régnier, pour lui, ça a été la série qui l'a porté au rang de. Qui lui a permis de. Qui l'a fait régner. Qui l'a propulsé, voilà, oui. Voilà, qui l'a propulsé un peu au rang de star. Sauf que, bah. C'était pas lui, en fait, au départ, qui jouait le rôle du journaliste. Ouais, ça devait être qui ? Alors, j'ai pas trouvé le nom. Ah. Mais bah, il tourne 3 épisodes. Alors, le premier à Paris, le deuxième à Marseille, le troisième à Naples. Ouais. Et là, le réalisateur, il a dit non, on peut pas continuer avec celui-là. Il en faut un autre. Donc, il est parti à Paris, vite fait. Il a, on va dire, bah, fait un casting rapide. Et là, il a trouvé Yves Régnier. Il est revenu D'accord. avec. Et... Une fois les 12 premiers terminés, le 12e, ils sont revenus au départ pour retourner les 3 premiers. D'accord. Voilà. Ok. Après, sur les autres saisons, bah, ils sont partis en Europe. Ils sont d'abord partis en Europe, donc en Bavière, en Autriche, au Danemark, à Londres, au Canada. Et là après, bah, ils ont fait comme les Vikings. Ouais. Ils ont traversé l'Atlantique. Ouais. Et ils se sont retrouvés au Canada. D'accord. Ah, ils ont été à Montréal, Québec, ils sont restés quand même apparemment dans le Canada francophone. D'accord. Et pour la troisième, là ils sont descendus en Amérique latine. C'est exclusivement la troisième série en Amérique latine. D'accord, ils se sont dit on va faire ça exclusif donc. Ouais, enfin exclusif, oui c'est quand même... Ouais. Il y a eu 2 épisodes quand même, il y en a un qui est en Martinique et l'autre en Guadeloupe. Okay. Mais autrement, ils sont partis du Mexique, ils ont été au Pérou, ils ont même été au Machu Picchu. Donc, la Cordillère des Andes, bah, la Pampa, ils ont été à Rio, Salvador de... Avec des vrais décors, à l'époque, c'était pas reconstitué en studio. Complètement, oui. Donc, ils ont été au Machu Picchu, il y a le Carnaval de Rio aussi. Ouais. On peut redécouvrir le Carnaval de Rio. Et on peut aussi voir, il y a quand même des épisodes, alors moi, j'en ai trouvé que 2, le 1er et le 7e de la première saison, qui sont visibles en... gratuitement sur internet. D'accord. Donc le premier, bah, ça présente, alors c'est vrai que c'était le cinéma de ces années-là. C'est un peu ce qu'on appelle l'épisode filler. Maintenant. Voilà, c'est le. Ça y est, j'ai plus le nom encore en tête, mais c'est pas grave. Décidément, les trous de mémoire. Ouais, tu cherches un mot ? Oui, c'est le nom, le premier épisode. Le pilote ? Le pilote, voilà. C'est ça. Y a-t-il un pilote dans... Dans le cerveau de Daniel, il y en a pas un en ce moment. Non, ça se voit d'ailleurs. Oui, la semaine dernière, c'était pire. Là, ça va un petit peu mieux quand même. Hein. Donc, au total, ils ont traversé 20 pays. D'accord. Oui, donc oui, 20 pays en ayant, entre guillemets, je dis bien, pas un sou. Ouais. C'est bien, vu qu'en vrai... Ouais. Ça vous tenterait tous les deux de faire comme ça, sans... Allez, avec presque pas un sou en poche Alors, il y a des pays à voir, ouais. Ouais. Il y en a d'autres, je suis moins chaud, par contre. Oui. Ça rappelle des émissions de vulgarisation où ils partent avec un euro et ils doivent demander sur leur chemin, je sais plus ce que... Bah, justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que ça inspirait beaucoup de choses. Est-ce que tous ces jeux, comme tu dis, toutes ces émissions où ils partent avec pas grand-chose, ou est-ce que finalement l'idée vient pas de... Le bon côté pour moi, c'est d'aller à la rencontre des gens. Oui, ça, hein, oui. Oui, ça, oui. De les aborder, voilà, et de voir si dans l'âme charitable. Après, on a fait une recette commerciale et on la transforme en je sais pas trop quoi pour faire une émission supplémentaire. Bon. Ouais. Mais dans l'idée, si tu veux, moi ce que je sais, c'est que le peu de fois où j'ai voyagé, finalement la destination globale était définie, mais on savait pas ce qu'on allait faire une fois là-bas. Et souvent, la durée a été complètement différente de ce qui était prévu. On est resté beaucoup plus, ou alors après on a fait des petits détours, ou sur le retour on s'est arrêté à plein d'endroits. Et c'est ça que j'ai aimé, quoi. Tu sais, il te faut un point de chute, il te faut limite un hôtel ou je sais pas quoi pour le début, et puis après ça évolue selon les rencontres, selon tes souhaits, selon ce que tu trouves sur le chemin, et donc on peut aller très loin si on décide qu'on n'a pas de retour forcément prévu tout de suite, quoi. Oui, ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu qui me racontait quand il voulait visiter un pays. Ouais. Il partait un premier coup pratiquement en voyage organisé, il restait 8 jours, le temps de voir comment ça se passait dans le pays. Et par exemple, l'année suivante, il repartait, mais avec son sac à dos et à la rencontre directement des habitants pour essayer d'avoir d'abord un aperçu et puis voir si le pays pouvait lui plaire aussi quand même. Ouais, c'est pas forcément évident d'aller partout avec aller comme ça sac à dos, parce que bon, il y a quand même des régimes autoritaires, on va dire, et ouais, des situations qui sont pas de pays en paix, enfin voilà, il y a quand même on peut pas aller n'importe où non plus, ouais. Il faut faire attention aux coutumes pour dire un mot général. Oui. Bon, voilà. Oui, on a vu l'émission là où je parlais il y a ce qu'on appelle l'étiquette, c'est le comportement à avoir, ouais, on n'a pas préparé, ça peut faire mal. Fois on peut blesser les gens sans le vouloir, hein. Regarde par exemple ce qu'il y a eu à la Coupe du Monde récemment. Quand Messi a reçu je vais appeler ça une toge, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle, qu'il a fait une tête bizarre. Oui. De base, c'est un vêtement qui est hyper prestigieux pour eux qui l'ont remis. Oui, c'est vrai. Messi a fait une tête bizarre et c'est pas passé. Oui, on ne l'avait pas prévenu, on ne lui avait pas expliqué. Les gens non plus qui regardaient, nous les premiers, on t'offre un symbole de ta culture qui est totalement inconnu à l'autre. Il ne sait même pas comment l'apprendre. Oui. Ce qui montre que, comme on disait, il faut se renseigner sur la culture, il faut faire attention à ce qu'on fait. Qu'est-ce que je suis censé faire? Voilà, vu que ça a été, il l'a reçu, ça a été... Et en fait, ça fait quoi de ce truc? C'était un honneur de qu'il puisse le porter, en fait. Hein, c'était, donc il l'a mis vu qu'il s'est dit, faut peut-être le mettre. Ouais. Mais tu voyais qu'il savait pas ce que ça voulait dire, qu'il était au courant d'absolument rien. Et on voyait que celui qui remettait était fier de le faire, en plus. Hein. Voilà. Ouais. Mais ça peut en plus effrayer, parce que quand t'as les médias en face, tu te dis si ça représente un symbole fort religieux et qu'il y a des extrémistes qui sont contre, qu'est-ce que je vais faire là comme geste, comment ça va passer Je pense qu'il y a eu tout ça comme question dans son esprit. Oui. Mais bon, comme on disait, ce qui montre, faut se renseigner, faut faire attention à ce qu'on fait, faut pas faire n'importe quoi. Bon, vous pouvez à peu près débarquer ici sans vous être renseigné, vous découvrez, je pense que ça va bien se passer. De toute façon, Thierry, à force de nous écouter chaque semaine, tout ça, ils doivent s'être un peu renseignés. Vu l'équipe, je pense qu'ils se sont renseignés maintenant. Ils ont peut-être peur de se renseigner et de se dire, oula. Non, mais vous venez avec votre humour et puis on fera avec, hein. Ouais, c'est voilà, ça. Hein. Sinon, déjà, venez avec vos oreilles pour nous écouter en public, là, pour faire le public. Et après pourquoi pas. Et après, vous ferez le cochon ou le truc jaune. Le pica. Le cochon ou le pica. Voilà. Alors là, on va faire un petit truc qui est un peu différent quand même. Qui est inhabituel, oui. J'allais dire un petit truc différent de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. J'aime bien me compliquer la vie ce soir, je crois. Qu'est-ce qu'on ne fait pas d'habitude ? Alors, manger dans le studio. Alors non, je ne parlais pas de ça. Thierry, vu qu'il y a quelques semaines, on aurait dû avoir Wood Mike, qui était un artiste qu'on avait reçu l'année dernière, qui aurait dû venir et nous faire un live et nous expliquer deux, trois petits trucs. Oui, sur une émission, il devait donc à distance faire un live et malheureusement, la connexion à distance... C'était terrible, dans le mauvais sens du terme. Voilà. Ça ne s'est pas fait, donc là, il a eu la gentillesse de nous envoyer son titre, qu'il aurait dû venir, qu'il aurait dû faire. Oui. Je vais y arriver. Et qu'en fait, il a enregistré pendant qu'on essayait de faire l'émission, quoi. Parce qu'il était chez son ami qui est son musicien. Oui, Earl Music, Mathieu. Et comme finalement, ça ne lui plaisait pas beaucoup, bah, il l'a refait depuis, en fait. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Si j'ai bien compris, pour les gens de Twitch, vu que le titre est déposé, donc vous ne l'aurez pas, il y a à peu près une minute où il parle, où il nous explique quelque chose. Oui. Et après, donc, il y aura la musique, c'est ça. Voilà, vous aurez Let's Go, et là. D'accord. Voilà. Et on viendra après. Et là, par contre, pour écouter, quand il y aura eu le Let's Go, il faudra aller sur indestar.fr et écouter. Complètement. Complètement. Alors, on va vous le mettre. Allez. Vas-y. Donc, Wood Mike, When I was young. Oui. Quand j'étais jeune. C'est voilà. Ça. Voilà, absolument. Yes, I'm the star, c'est Wood Mike. Je suis en direct actuellement du studio de Earl Music. Et on va faire ce son, When I was young, comme prévu dans l'émission précédente. Mais suite à des problèmes techniques, eh bien, on n'a pas pu. Donc, let's go, c'est parti. Pourquoi When I was young? When I was young, ça parle de moi quand j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, j'avais un rêve. Le rêve de vivre cette petite musique qui me trotte dans la tête. Le rêve, c'est la patience d'être forcené et faire grandir. En étant confronté aux échecs. C'est comme ça qu'on grandit, non? Let's go! I was young, I could move mountain. I was strong, learned about pain. I was young, I was running around, buffed on the ground, driven by the sun. When I was young, I spent whole days in all the stars, seeking a soul out of turn, then fell in misery. I only had the answer in front of me. Let's dive into your arms. Everybody sing to tell the sky. Everybody sing to tell the sky. When I was young, I wanted to raise the crowds, see our mist filled with smiles, and be able to stop time. Stop. When I was young, I could see so many cars, unlimited happiness, rare comfort, yeah. When I was young, I spent all the days in all the stars, seeking so loud to touch and fell in misery. Alone, I have the answer in front of me. Let me dive into your arms. Everybody sing to tell the sky. Everybody sing to tell the sky. Everybody sing to tell the sky. Everybody sing to tell the sky. To life, you have a hard times, but not out to welcome out life. So the laughs I've gone along, it's all fine. It's gonna be alright. Get your pain, move even in the rain. Don't be afraid, be the same man now. Lift your voices to the sky. To the sky. To the sky. My love's all fine. It's gonna be alright. Got your pain. Move even in the rain. Don't be afraid. Be the same man now. Out your voice. To the sky. My love's all fine. It's gonna be alright. Got your pain, living in the rain. Be afraid, be the same and hell. Let your voice ring to the sky. L'arme fatale de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Et oui, donc c'était Wood Mike. Bah, merci Wood Mike de nous l'avoir envoyé, vu que c'est vrai que comme il disait juste au tout début, ça aurait dû se faire avant. Complètement, oui. Oui, comme tu dis, merci de nous l'avoir envoyé parce que moi, c'est une chanson que j'adore. Moi aussi. Donc. Et puis ça nous remet dans l'expérience du tournage du clip. Aussi, hein, oui. C'est vrai. Oui, vu que c'est vrai que toi et Daniel, vous avez participé au tournage. Le hasard fait bien les choses dans mes citations. Là, j'en avais une sur le dessus. Et à mon avis, qui pourrait lui parler. Voyager, c'est grandir. C'est la grande aventure. Celle qui laisse des traces dans l'âme. Oh, parce beau, que sa ouais. chanson parle bien de grandir, et depuis qu'il est papa, ça fait ouais. même beaucoup plus de sens. Ouais, Il vient d'être papa pour la deuxième fois, il vient d'avoir une petite fille. Et félicitations. Alors. Donc tu es maman. Non, lui, et pas moi. Ça y est. Oui, je pense que c'est une chanson d'ailleurs qui à terme va tourner. Je sais pas pourquoi, j'en suis persuadé. Alors. C'est à suivre alors. Oui, complètement. Voilà. Ce qui est à suivre aussi, c'est Thierry. Ah bah oui, il est toujours à suivre de toute façon. Toujours. Hein. Hein. J'essaye même de me suivre, mais bon. Voilà. Peak Avengers sans Thierry, c'est plus Peak Avengers. Hein. Oui. Hein. Bon. C'est à toi. Ça y est, maintenant. Histoire extra. Ordinaire. C'est parce que c'est pas extraordinaire, genre le Edgar Allan Poe, je vais vous raconter des histoires avec de la fiction, alors pas forcément extraterrestre, mais des événements un peu paranormaux, etc. Non, c'est pas de ça que je vais vous parler. C'est plutôt vous parler de gens ordinaires, comme vous et moi, à qui il arrive des choses extraordinaires. C'est un peu ce qui se passe dans toutes sortes de fictions, qu'on soit dans la littérature, le cinéma, etc. Et vous avez des gens lambda, et il leur arrive un événement qui déclenche un destin extraordinaire. Voilà, qui les dépasse même eux-mêmes. Alors, et physiquement et moralement, enfin, ça les déplace dans leur quotidien, dans leur confort. il se retrouve dans un inconfort. Et puis après, si on est dans une comédie, ben on retrouve le confort, voire même plus grand qu'avant, parce que ça se stabilise. Et si on va dans la tragédie, ben voilà, il y a le drame. Hein. Et donc en fait, ben moi je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai qu'on a eu une semaine de vacances, et qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant cette semaine de vacances, je me suis peut-être remis un peu à jour côté pop culture. J'ai allumé la télé. Oh, oh, oh, j'ai trouvé le temps. C'est vrai que tu n'avais pas eu le temps avant. Et j'ai été regarder des films et des séries, et je me suis dit que ce que j'avais vu, en fait, c'était bien des gens à la base ordinaires et dont on ne parle pas forcément. C'est-à-dire que j'ai vu un film avec des vieux. Ah, et pas un vieux film. Non, voilà. Avec des jeunes. Et des vieux à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire dans le genre où on a tendance à les retraités, de dire ok, bon, bah, c'est un peu fini pour eux, on va pas forcément leur donner beaucoup de place dans les films, sinon le rôle de la grand-mère qui gâte les petits-enfants, enfin bon, c'est toujours un peu bateau. Et moi j'ai trouvé quelque chose d'autre. Alors ça pour un film. J'ai une série là que je regarde de temps en temps qui se passe dans un hôpital avec des enfants qui ont très très tôt dans leur vie des gros problèmes. Donc ils vont à l'hôpital parce que ils ont une maladie qu'on n'arrive pas à guérir, un cancer par exemple, ou ils y vont parce qu'ils doivent se faire amputer d'un membre, enfin des choses très très sérieuses. Alors c'est de la fiction hein, qu'on a réalisé avec des valides, mais bon, il y a beaucoup de trucage, mais en fait c'est tellement bien fait qu'on rentre de dedans. Et dans cet hôpital, en fait, va se reformer une espèce de petite société entre ces enfants qui décident que, quoi qu'il leur arrive, il faut vivre. Et donc, il faut vivre comme on vit en extérieur. Il faut se faire une bande d'amis, hein, voyez, et à l'intérieur de l'hôpital. Et ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est beau. J'ai même eu des émotions parce que je trouve que c'est fort, quoi. C'est tellement fort d'esprit. Voir que ça te ferait bien verser. Ça, puis ça montre que bon, l'être humain, malgré tout, oui, on a des passages où il faut être seul, mais au final, personne n'est jamais fait pour être seul. Oui. L'être humain, naturellement, va vers les autres. Oui. C'est un peu d'ailleurs, un résumé quelque part de l'aventurier. Parce que l'aventurier va quelque part pour rencontrer des gens, mais tout le temps du voyage, très souvent, il est seul. Bah ça. Ouais. Et au final, oui, si tu voyages, c'est pour rencontrer des gens. Mmh. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est pour être avec des gens au final. Ouais. Regardez, nous, la radio, par exemple. On fait ça pour être entre nous aussi. Être ensemble, c'est ce que j'aime dans les assos. Hein. C'est pour ça que je bosse aussi dans les assos. C'est ça qui me plaît. Et de temps en temps, j'interpelle les gens d'ailleurs qui viennent dans mes ateliers pour leur dire, mais en fait, vous n'êtes pas forcément venu à la base pour l'anglais, vous cherchiez quelque chose, mais vous venez parce que vous voulez être avec d'autres et vous voulez faire des choses, mm-hmm. des choses avec d'autres. Et d'ailleurs, oui, parce qu'on a des moments festifs qui n'ont rien à voir avec l'anglais. Bon, pour revenir à... It is the cake. Pour revenir, et en même temps, ça a beaucoup à faire avec le voyage. Peut-être vous en parlerez un jour. Parce que oui, on fête quand quelqu'un revient d'un voyage et justement qu'il a rapporté des choses de son voyage. Et souvent, il y a à manger d'ailleurs, c'est rigolo. Mais... Oui. Comment on se rapproche des gens, comment on invite les gens à partager un moment autour d'une table, c'est assez facile. Hein. Et même si on n'a pas de table, on s'assoit sur le sable en plein désert, on fait du thé et c'est parti. Ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, on parle de nourriture, excuse-moi, mais c'est vrai que quand on voit des reportages et que les gens sont vraiment dans des pays qui sont pour nous complètement exotiques, s'asseyent à la table et voient ce qu'on leur offre à manger. La première impression, se dire je ne sais pas ce que c'est, et genre quand c'est liquide, est-ce que ça se boit comme on le fait, est-ce que ça se mange, c'est ça, etc. Ouais. Dans les Voyage en terre inconnue, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'émission. Il y en a une qui s'appelle comme ça. On emmène un artiste, on lui bande les yeux, il ne sait pas où il va. Hein. Ouais. Voilà, on voit à chaque fois ce moment-là qui arrive très vite, parce que quand on arrive, on s'assoit et on fait connaissance et on partage la table. Et ben oui, c'est-à-dire comment je m'y prends, je regarde un peu les autres, qui parfois attendent d'ailleurs qu'on le fasse avant eux, en se disant allez-y. Et tu te dis mais peut-être si, je fais comme voilà. Il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de bon. Oui, est-ce que c'est poli de commencer avant? Est-ce que je dois commencer avant? Est-ce que c'est ça? Oui. Bon, tout cela est bien intéressant, mais je vais revenir à ce dont vous parlez. Oui, après, j'en ai plein d'autres, mais vous dire un petit peu plus de choses sur le film, déjà sur ces retraités-là, ce que j'ai bien aimé. Déjà le titre, « Les mamies ne font pas dans la dentelle ». Moi, je trouve que c'est sympa, hein, c'est très ambigu, on se dit « qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà. Et en fait, on voit un village voilà, où il y a plein de retraités, bon, il y a des actifs, mais il y a beaucoup de gens retraités qui ont eu une vie avant. Et il y a parmi ces gens-là, il y a une femme qui se retrouve seule parce qu'elle est veuve. Hein. Et en fait, elle se rend compte que dans tout le temps de sa vie active, elle a suivi son mari. Et je dirais que c'est pas forcément que de la fiction. Hein. Elle a fait ce que son mari disait qu'il fallait faire ou qu'on allait faire, etc. Et qu'elle a pas franchement profiter de sa liberté, pris des initiatives, et elle se dit, moi qui ai été couturière, qui ai beaucoup aimé ça, et ben en fait j'ai rêvé de monter mon magasin de lingerie, mais en fait j'ai jamais osé. Et elle a des copines à côté d'elle qui lui disent hey, c'est pas parce que t'as 80 ans que... Et à 80 ans, elle ouvre son magasin de lingerie. Vous imaginez, dans un village, on est à je sais pas quelle époque, on a l'impression d'être assez loin, quoi, ou très conventionnel, machin, faut pas sortir du politiquement correct, donc ça jase partout dans le village. Et alors, il y a des gens qui sont tiraillés entre venir parce que c'est une amie, et en plus, elle fait des belles choses, de la belle lingerie, et puis avoir toutes les railleries. Donc on est tiraillé d'un côté et de l'autre, et puis ça finit par se terminer bien, je ne vous raconterai pas, mais c'est vachement... Enfin, on rit et on pleurerait même à des moments tellement c'est touchant de voir l'espoir qu'il y a aussi de se dire, eh bien, à 80 ans, on peut encore réaliser quelque chose. Je ne sais pas si dans la réalité, ça serait possible, mais en tout cas, on peut encore avoir des rêves et essayer de faire des choses. Et je trouvais ça très, très fort. En fait, c'est très agréable et c'est très très très fort. C'est aussi fort quand les hommes s'en mêlent pour dire que c'est pas bien alors qu'on les voit bien loucher sur la lingerie. Mais enfin bon, bref. C'est toute une aventure ça. On a une image à tenir, ouais. Bon, etc. Mais c'est vraiment super intéressant, super bien fait. Et ma série dans l'hôpital, ça s'appelle Les Bracelets Rouges. En fait, les bracelets rouges, ça va être des vrais bracelets. Les bracelets, quand dans l'hôpital, vous avez des examens, en fait, pour montrer qu'on a fait l'examen, pour ne pas se tromper après recommencer, on met un petit bracelet autour du patient, vous voyez. Et en fait, y en a un qui en a beaucoup parce qu'il a beaucoup d'examens. Et il décide, en fait, qu'il va utiliser ces bracelets pour en donner un à chaque membre de sa bande qui s'appellera Les Bracelets Rouges. Je trouve ça très bien, faire de quelque chose qui n'est pas franchement encourageant. Moi, tu vas se dire, voilà, t'as fait 8 examens, bon pauvre, comment tu dois souffrir, et transformer cette souffrance en quelque chose de positif. On symbole un peu d'espoir, tout ça. Imagine le concours, ouais, moi j'en ai 9. Et donc, en fait, il va essayer de monter une bande de copains qui vont résister aux épreuves, les dépasser. Donc dans cet hôpital, et il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y a même un personnage qui est dans le coma. Et en fait qui est dans la chambre avec un autre qui n'est pas dans le coma. Et donc là il y a la fiction qui va un peu plus loin, c'est que et en fait son camarade de chambre s'aperçoit qu'il entend quelqu'un qui lui parle, en fait, qui perçoit. On pourrait dire ce que ressent le gars dans le coma, etc. Mais en fait, il entend ce que le gars dans le coma dit. Et donc c'est assez fort. Et il va y avoir des moments où ces personnages qui ont des graves opérations, il va y avoir un décès, il va y avoir des gens qui vont revenir, mais qui vont être dans un état comateux aussi pendant les opérations. Et c'est cet état, cet entre-deux, en fait, quand les gens qui se font opérer sont dans un entre-deux, eh bien, ils se retrouvent avec ce personnage qui est dans le coma, en fait. Il se retrouve là où il a eu son accident. Et en fait, il parle. Et ce personnage qui est dans le coma, donc il n'intervient pas autrement, eh bien, il rassure. Il rassure les autres parce qu'ils connaissent cet entre-deux. Mais c'est très difficile de vous faire imaginer les choses, mais c'est très fin, c'est très très bien fait. On rit, on est ému, on a envie de les aider. On a, enfin, c'est assez grand. Alors après, je trouve que la, bon, la série, je peux, il y a de saisons d'épisodes, peut-être que c'est beaucoup. C'est un joli nombre, mais, c'est un certain nombre. Ouais. Mais bon, j'ai la première saison, je suis rendu au 10e épisode, ça se suit très bien et on a l'impression que c'est un vrai monde tellement c'est bien fait. Hein, voilà. Donc si vous avez l'occasion de découvrir, et pourtant on se dit non, c'est pas possible. Enfin, oui, peut-être ressentir des choses. On sait qu'il y a des choses qui, voilà, qui sont pas possibles, mais c'est tellement bien fait, tellement fin que c'est crédible. Et c'est émouvant, bah, de voir, aller à Clocheville, l'hôpital Clocheville pour les enfants. Oui, il y a des gens qui ont des cancers, etc. Ouais. Et ben, je pense que même si vous n'avez pas de maladie, de regarder ça, on pourrait dire, oh là là, un truc des hôpitaux, ça va me plomber. Non, ça plombe pas. Ça donne énormément d'espoir. Voilà. Donc, deux D'accord. choses, film et série, qui donnent de l'espoir. D'accord. Voilà. Entre autres. Entre autres. Voilà, ouais. Parce qu'il y a aussi 3615 Monique, si vous voulez, sur le Minitel, qui est très sympa. Mais alors, ça, ouais, c'est pour rigoler. Quoi. Ouais, alors, si Monique, alors. Est-ce que tu veux faire une petite citation, Thierry, avant de passer à la musique ? Eh bien, si tu veux, allez, avec des impératifs, là. Vivez, allez. Voyagez, soyez aventureux, bénissez et ne soyez pas désolés. Arrêtez de regretter ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Ah, ça, je suis d'accord, voilà. Oui, arrêtez. Ouais. Eh oui, parce qu'on passe sa vie. Mais même, il y a une autre citation, je ne sais plus si je l'ai écrite ou quoi, mais que j'ai lue. Mais de toute façon, même dans 20 ans, vous serez encore en train de regretter ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, donc de toute façon allez-y, quoi. Le plus dur, c'est de partir, quoi. Et c'est vrai, le plus dur, partir à l'aventure, c'est souvent, lui, le moment du départ. Mais ouais, même dans ton quotidien, d'aller faire les choses, tu sais, de sortir de chez toi, toujours, ah oui, mais j'ai encore ça à faire. Et une fois que t'es parti, en fait, t'es pas forcément après pressé de rentrer si t'as pas... Ah non, si moi, je pars parce que j'ai plein de choses à faire dehors, donc c'est je marrant, pars. Ça me rappellerait quelqu'un, ça. Ah oui, moi. Bah oui, une fois que t'es barré, s'il y a des occasions qui se présentent, tu les saisis. Mais faire le premier pas, vous savez, dans la vie, dans toute situation, hein, c'est ça. Mais moi, je parlais encore, est-ce que c'était aujourd'hui, peu importe. Je crois que c'était hier avec mon nouvel élève. On parlait un moment de se dire, on regardait les animaux qui ne causaient pas et on disait, c'est un peu comme les enfants qui veulent pas aller à une soirée parce qu'ils connaissent personne et en fait après ils veulent pas repartir de la soirée parce qu'ils se sont fait des copains. Oui. Mais oui. On parle des enfants, mais comment est-ce qu'on est, nous adultes, des fois, oh là là, ouais, mais alors ce machin truc, et puis après vous mettez, oh bah c'est super, tu découvres des trucs et tu découvres tu te fais des nouveaux amis aussi, enfin je veux dire, tu remplis ton carnet d'adresses. Ce que tu viens de raconter, c'est un peu la base du départ de l'aventure, hein. Si tu te lances pas, tu pars pas. Tu pars pas, tu n'explores pas, tu ne découvres pas. Il y a une citation de Paul Morand qui dit « Voyager, c'est être infidèle. Soyez-le sans remords. Oubliez vos amis avec des inconnus. » C'est-à-dire, c'est pas tellement vous savez que vous avez des amis, mais en fait, osez l'aventure pour aller voir aussi d'autres gens que ce que vous avez l'habitude de voir. Sortez de votre confort, de votre noyau familial et amical. Et merde. Mais merde, non, mais dites-vous même merde à vous quand vous avez votre petite voix qui vous dit « Ah non, mais ça va être dangereux. Ah mais non, mais tu connais pas. Mais ta gueule. Ben oui, parce qu'on a toujours ça. On a toujours cette espèce de débat de merde avec soi-même, de se dire « J'y vais pas. Eh ben, si t'y vas pas, tu ne sauras pas. Donc tu y vas et tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule et claque ta porte. Si tu vas pas à la radio... bah, sauras pas comment c'est. Voilà. C'est ça. Ah, au lieu de dire, ah oui, mais bah, venez nous rejoindre, vous voyez. C'est ça. Là, ah, comment, c'est, vous êtes comment ça se passe? Est-ce que c'est bien, machin? Mais ta gueule, tu viens. Tu parleras dans le micro. Et tu verras, tu t'amuseras avec Thierry, il n'y a aucun problème. Mais c'est, ah, pas, ça, oui. Mais c'est pas qu'une plaisanterie. Non, mais nous, on l'a compris, mais c'est vrai que tu fais bien de le préciser que c'est pas qu'une plaisanterie. Bah après, oser. Joséphine. Bah, après tout ça, j'ai presque rien dit, on peut écouter une musique. Hein. Ah oui, il faut ça pour se remettre. Bah oui, si on peut savoir comment c'est. Hein. Oui, c'est ça. Mais... Donc, Caleb Hides, Enemy, c'est de Imagine Dragons. Ah ouais. Ouais. Oui. Everybody wants to be my enemy. C'est ça. Ah, alors, c'est je ne l'aurais pas fait. Oui, c'est ça, Daniel. J'adore. Ah. En alors, tout faut... cas... Faut le lancer maintenant. Bah, c'est on lance l'ennemi. Ouais, c'est ça. On met l'ennemi sur l'heure. Bon, ouais, allez, on et on va. Revient tout de suite après pour Twitch. Merde. Attends, il y a une petite erreur. Oh, bah, toi, l'était bien. Le direct, indestar.fr. Les podcasts, indestar.fr. Retrouvez un titre passé sur l'antenne, indestar.fr. Les infos sur les émissions, indestar.fr. Les vidéos, indestar.fr. Les infos artistes, indestar.fr. Le café du matin, indestar.fr. Une voiture diesel, indestar.fr. Les lasagnes au poulet, indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Chaque vendredi est unique sur Indestar. Je suis spéciale. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi en direct dès 21h sur Indestar. Là où commence le week-end. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn, they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself, my enemy. Look out for yourself, but I'm ready. Words up on the wall as you're praying for my fall, and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worth spitting in my tell you. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever, just let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The enemy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell them, hasta luego. They wanna plot, I'ma try to the top. I've been out of shape, thinking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet rock to cause catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want it static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second pack. And pack it up, on panic, batter, batter up. Who the bad is, it don't matter, cause we just everybody wants to be my enemy. Je suis content que tu le remettes parce que des fois, bon, je me suis planté, je passe à la suite, mais non. Avec ça, on comme est toujours ça, on happy. On aura eu deux c'est fois. Ça. Voilà, comme ça, on est happy avec celui-là. Happy qu'aventure. Ouais, oui, c'est ça, oui. Complètement. Happy, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'ailleurs, en route, alors, le mieux, c'est de se perdre, dit Nicolas Bouvier, parce que lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises et c'est alors que le voyage commence. C'est beau ça aussi. Oui, oui, non mais oui. Bon. C'est quand il y a les surprises, en effet. N'ayez oui. pas forcément peur de vous perdre. Profitez-en pour découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et après, et vous trouvez le premier métro. Il y a toujours des plombs dans le métro. Bon, si vous êtes dans la Creuse, le métro, c'est un peu plus dur à trouver. Ouais, oh, il faut remonter un peu. Creuser. De toute façon, le métro est en souterrain, oui. souvent. Donc, tout à l'heure, on a vu quel aventurier, en vrai, on aurait bien aimé être. Il ne faut pas oublier que c'est Peaky Avenger, donc émission de pop culture. Quel aventurier de la pop culture vous auriez bien aimé? Ah, toi, par exemple, Daniel, vas-y. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Toi, réfléchis ? Bah, ça arrive, hein. Tu sais, des accidents, des maladies, ça arrive à tout le monde, hein. Ouais. Tôt ou tard, tu passes devant un miroir. Et le miroir m'a montré la vérité. Si t'es sur la banquise, t'as de la glace sous les pieds. Ouais, et le miroir m'a montré la vérité. Bien, monsieur. Ouais. Alors... J'ai choisi deux héros complètement, complètement opposés au niveau des époques. D'accord. Peut-être pas au niveau du style. Alors le premier, en fait, ça me ramène un peu à mon enfance. C'est Rahan, qui est l'aventurier de la préhistoire. D'accord. C'est le fils des, on l'appelle le fils des âges farouches. Et c'est au temps de la préhistoire... Donc, il voyage, c'est ce qu'on disait, il voyage seul, il va devant lui. Alors, comme c'est la préhistoire, il prend pas sa moto, il prend pas l'avion, il prend ses pieds, il file, et puis il va à la rencontre de gens, il découvre plein de choses, il apprend à se servir plein de choses, il fait des découvertes, il fait plein de... Voilà, ce sont vraiment des aventures, hein. D'accord. Et puis c'est un peu souvenir d'enfance. Je suis très très peu nostalgique, mais là. J'avoue que tu me replonges. Oui, je me suis dit ah oui, Rahan, j'avais oublié. Je me demande si il me semble que j'ai vu une adaptation, mais je me demande si j'ai pas eu des BD ou quelque chose comme ça dans les mains. Si, il y a eu des BD. C'était des BD au départ. D'accord. Voilà. Ah, je croyais que tu voulais dire autre chose. Non, pas spécialement, non. Il voulait dire Rahan. Rahan. Je voulais rien dire. Non, on fait le cri de guerre. Rahan. Il y a déjà les rêves du film Rêves à venir. Ouais, après. C'est ça. Ouais. Oui. Et le deuxième, ça va pas vous étonner, mais c'est un peu parce qu'on me le dit aussi souvent, c'est MacGyver. Si on m'a dit finalement, t'es pas loin du portrait de MacGyver, peut-être pas physiquement. Non, mais le touche à tout. Oui, c'est ça, le oui. touche à tout. Oui. Complètement, le touche à tout, qui est prêt à voyager, préfère plein de choses, à se déplacer, à se débrouiller avec rien, à aller sauver la veuve et l'orphelin. Il y a quelques jours, je me suis branché sur les chaînes Pluto, sur Pluto.fr, là, qui sont gratuites. Il y a une chaîne MacGyver, c'est-à-dire toute la journée, tu as les épisodes de MacGyver. Ah bon ? Ah ouais ? Alors, je précise, MacGyver, les premiers, pas les derniers qui sont sortis. Oui, avec Richard Dean Anderson. Oui, voilà. Oui, ceux-là, d'accord. Oui. Parce que... Ah oui, oui. Non, tu sais, moi les séries, c'est les versions calmes. Ouais. c'est pas les images à toute bombe, la musique et les hyper technologies. Non, c'est pas ça que je veux. Hein. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on me dit. Bon, il y aurait pu en avoir d'autres, comme l'agence touristique, après... Mister T. Voilà, par exemple. Avec du rhum, comme t'as mis sur Facebook. Mais il n'y a pas de thé dans rhum. Bon. Non. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, moi, d'accord. C'est... Toi, ce serait ces deux-là. Ces deux-là, bon, voilà, le premier un peu par nostalgie, même si je suis très peu nostalgique. Et le deuxième, parce qu'on me le dit très souvent... Et toujours maintenant, du jour où c'est sorti. J'y avais pas pensé, mais par contre, pour le peu que je connais, oui, que tu touches à tout, on vient te voir en me disant j'ai ça en panne, hein, on sait très bien qui on va aller voir, au moins c'est demander ça. Un conseil avant de jeter. C'est ça. C'est ça, alors ça va, oui, moi ça va, capable de construire. Alors, sauf maintenant avec l'accident que j'ai eu, je peux plus tout faire. Mais aussi bien capable de construire la maison que de réparer les voitures. Que oui, puis tu vas les voir. Voilà. Ouais, je vais voir. Comme tu dis, je vais pas. Non. Faut le faire. Bon. On y va. C'est ça. Faut le faire. On y va. Puis on le fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc pour toi, ces deux-là. $16. Et très bien dans le bricolage, dans la réparation, mais on a mangé quelques trucs aussi qui étaient sympas. Oui, j'oubliais la cuisine, oui aussi, oui. Dans la cuisine, oui. Oui, c'est vrai que je considère... Alors, les cuisiniers vont sauter, faire des vents, mais je cuisine comme je bricole. J'ai tendance à dire... Une chose sert à telle chose, mais comme un tournevis, ça peut servir à d'autres choses. Donc voilà. C'est ça. Ah mais moi je te dirais que comment dire, je vais pas dire que je m'admire, mais dans ma façon de faire la cuisine, en fait, il manque toujours quelque chose, mais en fait, tu vas trouver un truc pour commencer. Je suis entièrement d'accord. Ce week-end, j'avais une envie de gaufres, mais je n'avais pas de lait. Mais j'avais une petite brique de crème. Ouais. Et je l'ai très peu dilué. Et en fait, comme ma pâte était très épaisse, mes gaufres ont marché du premier coup du tonnerre. Et ça n'aurait pas forcément bien marché qu'avec du lait. J'ai déjà fait des pâtes en fait qui n'étaient pas assez épaisses. Et avec la crème, c'est génial. Donc, prochaine fois, je recommence avec la crème. Très peu dilué pour avoir une pâte super épaisse. Ouais. Génial. Comme quoi, on dit souvent, les idées de cuisine sont venues avec soit des erreurs, soit... Bah, c'est on n'avait pas le choix. Ouais. Faut tester. Ouais. Ouais. Et j'avais mis du rhum. Évidemment, oui. Ouais. Est-ce que tu as une petite idée de votre explorateur ? Alors moi, quand j'étais gamin, je regardais les aventures de Tom Sawyer à la télévision. Et quand je suis rentré à l'université, on a étudié. Voilà. D'accord. Et moi, ce qui me plaît, c'est ça se passe au bord du Mississippi, où est né Tom Sawyer, comme on dit dans le générique, et qu'en fait Tom Sawyer, il va faire plein de choses sur ce fleuve, le Mississippi, qui traverse les États-Unis. Et en fait, grâce à l'œuvre de Mark Twain, on découvre en fait dans ses aventures, dans ses traversées avec la rencontre de Huckleberry Finn, on découvre les États-Unis grâce à ce personnage. En fait, il nous fait voyager dans son pays. Et puis ces maisons de campagne, je veux dire, à l'ancienne, c'est la nature, donc ça me plaît bien. Voilà. D'accord. Bricolage aussi, ouais. Le radeau. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et pour sortir, pour échapper à la tante Polly, il passe par les toits. Non, mais voilà, c'est du rebelle gentil. Il n'est pas forcément gâté à la base, mais il va se démerder. Il va se démerder, ce petit gars. Il est attachant aussi. Voilà. D'accord. Donc Tom Sawyer. C'est l'Amérique. Symbole de la liberté. C'est ça. Alors moi, je vais le séparer en deux parties. Vu qu'on va dire, il y a ceux que j'ai eu en enfance. Où là, je mettrais Sacha de Pokémon. Mais t'es encore en enfance. Et maintenant que t'es vieux. Alors... Non, justement, attends, je termine avec le côté enfance. Donc Sacha, forcément, aller découvrir les régions, tout Alors, ça. Alors, il paraît que c'est quoi, 25 ans de Pokémon, l'écrivain, il écrit plus, là ? Alors non, ce qui est fait, c'est que Sacha, vu qu'enfin, dans les dernières saisons, il est devenu maître de la Ligue, il prend sa retraite. Sacha et le petit Pika qu'on voit là, vous les verrez plus dans l'animé. Ce ne seront plus eux, les héros. Ah ! Bon. Oui, il y a ça. À voir alors. Non, c'est ça. En même temps, c'est dingue de vivre autant. D'ailleurs, ouais. Pika, il est bancal là. Ouais, 25 ans, c'est vrai, oui. Être bancal après 25 ans, c'est peut-être normal. Et donc, pour l'autre enfant, ce serait Esteban des Mystérieuses Cités d'Or. Qui, mine de rien. Esteban Ziatao. C'est ça. Et je trouve que. Bon, que ce soit Sacha ou Esteban, c'est surtout eux qu'on marque. T'as ton pendentif avec le morceau de soleil ? Non, j'ai pas le pendentif. Non, il est dans le coffre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, je m'y attendais pas. Celui-là. J'aurais mis ces deux-là. Ouais. Et donc pour les adultes, forcément Han Solo de Star Wars. Ah oui, c'est qui, vrai. Mine de rien, explore pas mal. Et l'autre, on a parlé de Rome. Donc si je dis on a parlé de Rome, forcément je parle d'un pirate, ce serait Jack Sparrow. Ça m'étonne pas, c'est vrai. Qui, mine de rien, Johnny Depp. Ouais. C'est ça. Qui... Je mettrais ces quatre là, moi. Ne finis pas comme Johnny Depp. Et donc voilà, ce serait ces quatre là, vraiment. Ouais, il y a une logique, mais c'est vrai que je suis surpris par Esteban des mes. Ça a quand même pas mal marqué mon enfance. Ouais. Je pense que ça a même marqué au même titre qu'un Pokémon, personnellement, vu que j'ai quand même pas mal regardé les Mystérieuses Cités d'Or en étant petit, donc. Il est très en quête, alors il est peut-être et du trésor Zinka, mais aussi de ses origines. C'est ça, il recherche tout. Finalement, c'était une série qui était très, très large au niveau de, je veux dire, des gens que ça touchait, parce que toi, tu aimes bien, je sais que Thierry aussi aime bien, moi j'aime bien, on est carrément des générations. Et ce défi avec le côté historique qu'on rappelait à la fin, hein, de captiver, et ça a marché, ça marche encore. Ouais. C'est ça. Absolument. Bah... Ouais, faut se remettre maintenant avec toutes ces aventures. J'arrivais pas à trouver mes mots, moi. Je regardais Daniel en mode, qu'est-ce que je dis là, j'ai plus mes mots. Ouais. Petite citation. C'est ce que j'allais dire. Par exemple, Thierry a l'air d'avoir trouvé des mots. Le temps de se remettre, il faut bien ça. Hein. L'instant le plus heureux de l'aventure humaine, c'est le départ vers une terre inconnue. Ah, c'est pour ça que y a les vedettes partent dans l'émission Terre Inconnue, là. C'est ça. Ouais. Tout s'explique. Voilà. Ah, d'accord. J'ai compris maintenant, ça y est. Je sais pourquoi ils partent sur une relève. C'est bien. Le départ vers l'inconnu, c'est vrai qu'il y a cette excitation. Mais comme quand vous désirez acheter quelque chose, c'est le moment où vous désirez, et peut-être le moment même où vous l'achetez, mais une fois que vous avez... Peut-être ça se calme cette excitation. L'attente est bonne en fait, de désirer quelque chose, de pas forcément aller chercher quelque chose au moment où on désire, de pas le vouloir le tout de suite. D'accord. Bah après ça on peut écouter Liz Ovola. Ça a l'air de t'avoir amusé ça comme nom, non? Liz Ovola, oui, si tu le prononces. Et d'autres volants. Ouais. Mes repères. Ouais, on a besoin de repères parce que là on est perdu. Oui, mais il faut savoir se perdre aussi. Moi j'allais dire, sur Indestar, on a un très bon repère quand même. Ah et... Ouais, c'est. Oui. Oui, c'était ça la phrase. Sur Indestar, on a un très bon repère. Je croyais que c'était le studio et on se retrouvait là, que c'était notre repère, non? Ah oui, repère PAIRE. Ah ouais? Mais pas repère, R-E-P-E-R-D. Repère, remère. C'est ça, il y en a trop là. Et retour dans un instant. Voilà, c'est ça. Là où nous sommes, tout est pareil. Les mêmes refrains dès le réveil. Où sont nos vraies valeurs, hey, hey. Où sont nos vraies valeurs, hey, hey. Noyer mon esprit de merveille. Voir mon pays, mon plus beau rêve. Où sont nos vraies valeurs, hey, hey. Où sont nos vraies valeurs, hey, hey. Sans plus attendre, je m'en vais. Je sens d'ici la chaleur d'une vie plus belle. Sans plus attendre, je m'en vais. Traverser des kilomètres pour arriver. Mais je sais et qui je serai. Des millions d'origines sur cette terre. Qui le ferait? Oh oui, mais qui le ferait? Ma seule et dernière destination, mes repères. Pour ne plus jamais revenir en arrière. Ma seule et dernière destination, mes repères. Pour ne plus jamais revenir en arrière. Franchir le seuil, les bras ouverts. Un bel accueil. Mes êtres chers sont mes plus belles valeurs, hey, hey. Sont mes plus belles valeurs, hey, hey. D'un amour immense éternel. Plus fort que tout, plus fusionnel. Sont mes plus belles valeurs, hey, hey. Sont mes plus belles valeurs, hey, hey. Sans plus attendre, je m'en vais. Je sens d'ici la chaleur d'une vie plus belle. Sans plus attendre, je m'en vais. Traverser des kilomètres pour arriver. Mais je sais et qui je serai. D'origine sur cette terre, qui le ferait? Oh oui, mais qui le ferait? Ma seule et dernière destination, mes repères. Pour ne plus jamais revenir en arrière. Ma seule et dernière destination, mes repères. Pour ne plus jamais revenir en arrière. Sans plus attendre, je m'en vais. Je sens d'ici la chaleur d'une vie plus belle. Sans plus attendre, je m'en vais. Traverser des kilomètres pour arriver. Mais je sais et qui je serai. Des millions d'origines sur cette terre. Qui le ferait? Oh oui, mais qui le ferait? Ma seule et dernière destination, mes repères. Pour ne plus jamais. Jamais revenir en arrière. Avenger. La pop culture se podcast sur indestar.fr. Tu as lancé l'autre musique. Non, tu as lancé l'autre musique, Daniel. Voilà. Quel bordel. Alors, rappelle-moi ce que tu disais tout à l'heure, Daniel. Non, je l'avais pas fait. Bah, ça y est, c'est fait. Non, bah attends, là, ça va mieux. Là, hein. Quand rien n'est prévu, tout est possible. C'est ça, bah, c'est fait. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Donc, qui dit fin d'émission dit petit jeu. Ouais. Et Daniel, tout est tellement possible que. Oui. Daniel, qu'est-ce que tu nous as préparé comme petit jeu? Rien. Comment ça, rien? Et bah. Heureusement qu'il l'a dit tout à l'heure quand il l'a installé, parce que bah, je me suis dit, bah, je suis en train de préparer des trucs, et bah, alors on va faire. Et finalement, le mieux, c'est que Thierry l'a préparé sans rien nous dire. Mais oui, c'est ça. C'est en arrivant. Et oui, mais bah, je me suis dit, en fait, je suis toujours en train de vous dire que, oh là là, je suis débordé, machin, truc. Et donc, vous prenez cette partie quiz, et là, bah, j'ai du temps, je suis arrivé en avance, et bah, allons-y. Donc voilà. D'accord. Je prends le jeu. Alors, avez-vous bien écouté ce qui s'est passé dans l'émission? Plus ou moins. Quelles aventures très célèbres a écrit Mark Twain bien avant leur adaptation en dessin animé? Il vient d'en parler. Mark Twain, c'est les aventures de Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Alors par contre, je connais pas le générique. Le symbole de la liberté. Alors je reprends. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. C'est dur avec une... Déjà que j'ai pas une belle voix, alors en plus pas échauffé, je t'en rends pas. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, pour nous tous, c'est un ami. Ah, oh. Ah bah oui, c'est vrai, c'est un ami. C'est beau. Voilà. Bon, ça va, vous avez presque tout suivi. C'est bon. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bah on réécoute le podcast. Et bah voilà. On revoit la rediff Twitch. Voilà. C'est selon. Pendant une semaine, la rediff Twitch. Ouais. Vu que bah, cette année, on a deux solutions si on rate. Hmm. La première. On la s'en deuxième. Prend une. On s'en prend une, on s'en reprend une. Voilà. Une rediffusion, évidemment. Oui. Voilà. Ah, vraiment, quand bien même. Sûr. Hein. Non, mais... Oui. Faut préciser, t'as raison, Daniel. Bien sûr. S'il y en a qui vont pas comprendre. Oui. Si on précise pas. Bon, l'aventure humaine, c'est aussi la recherche scientifique, etc. Vous allez voir pourquoi. Parce que cet après-midi, j'ai pris le temps d'allumer la radio 5 minutes ouais. dans la voiture et je suis tombé sur Stéphane Bern. Non, je ne suis pas tombé sur Stéphane Bern, mais il y avait Stéphane Bern sur Europe 1. Je ne savais pas qu'il était sur Europe 1, ben, j'ai découvert. Et en fait, qui nous racontait ben, l'histoire. Et il nous a parlé d'un certain Charles-François Félix de Tassy. D'accord. Mais vous avez déjà entendu parler de Charles-François Félix de Tassy? Il y a deux secondes, oui. Oui, maintenant, oui, autrement, non. Bon, dans l'aventure humaine, les grandes découvertes, oui. qu'est-ce qu'il aurait pu bien avoir comme métier et découvrir? Allez, hop, vous cherchez dans tous les sens, puisque l'aventure, hein, c'est bien aussi quand on part vers des terrains inconnus. C'est ça, ouais. Les inventions, qu'est-ce que ça. Est-ce une invention? Non. Alors, c'est pas une invention, c'est une découverte. C'est une découverte. C'est une découverte. Et en fait, j'ai parlé d'une série qui se passe dans un... hôpital. Dans un hôpital, voilà. Ça a un rapport avec ça. Avec le domaine médical. Alors, avec le domaine médical. Le bistouri, il a inventé. Donc, alors, il s'en est servi. Ah, d'accord. Donc, c'était inventé avant lui, ça. Donc, les gens qui se servent du bistouri ont quoi comme profession? Bah, chirurgien. Chirurgien, voilà. Voilà. Alors, c'est un chirurgien qui est devenu célèbre pour avoir opéré un roi. Un roi de cette couleur-là, couleur de Pika. Ah, Louis XIV? Oui, Louis XIV. Louis XIV... Et le roi soleil. Oh, j'y étais pas, là. Bah, moi, j'y étais, moi. Tu rayonnes ce soir. Comme le soleil. Hein. Voilà. Louis XIV a eu une fistule anale. Il a eu un problème de ce côté-là. Mais non, mais c'est très sérieux. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et à l'époque de Louis XIV, on ne savait pas encore... Il a découvert que Louis XIV pouvait avoir des fistules anales. Non, c'est pas ça. Non. Non. Non, c'est-à-dire qu'ils ont, trouvé comment opérer, par ce côté-là pour résoudre le problème. C'est, en fait, il y a eu plusieurs essais. On a donné plein de potions, de choses censées alors soulager, etc. Mais sauf que ce genre de choses, c'est très rare que ça passe tout seul et qu'il faut la chirurgie. Mais la chirurgie, on n'a pas découvert ça du jour au lendemain. Bah oui. Donc en fait, c'est ce fameux chirurgien donc, qui était premier chirurgien de Louis XIV, donc le plus proche en fait, qui s'est entraîné sur je ne sais plus combien de patients, mais des dizaines, et il a pu résoudre le problème de Louis XIV. Ah, pas bête, hein, il n'a pas voulu avoir de problème avec le roi, il s'est entraîné d'abord. C'est ça. Et donc ce chirurgien il a été récompensé déjà, on lui a fait les honneurs, hein. Et puis Louis XIV l'a grassement nourri de pièces d'or. Voilà. Et donc Stéphane Bern, à son habitude, racontait que Louis XIV avait une telle prestance qu'il était hors de question qu'on lui donne quelque chose pour l'endormir, l'étourdir, etc., et qu'il a supporté etc., et qu'il a décidé de se remettre aussitôt au travail. Mais bon, pourquoi pas, hein. Mais bon, voilà, c'est une anecdote, mais au-delà d'être marrante, c'est quelque chose de vachement important, hein, je veux dire, la chirurgie. C'est ça. Voilà, la chirurgie anale au temps de Louis XIV. c'est rentré dans les annales depuis. Vous hein. avez vu à l'époque les noms à rallonge aussi. Ouais, hein, c'est ça. Bon. On est passé du côté homme et je vous parle de la lune maintenant. Bon. Je croyais que c'était du côté obscur en référence. Dites-moi l'aventure sur la lune. Déjà, vous avez une date là pour la lune. Les premiers pas. Les premiers pas de l'homme. 69. C'était en juillet 69. 69. Je me rappelle plus tout à fait du jour. Bien sûr, 69 comme bas. Voilà. Après ce que je viens de dire. Comme disait Gainsbourg, chanteuse. Mais alors, combien de temps ça a pris et combien de temps ça prendrait avec différents moyens de locomotion, si vous voulez faire. Bon. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez tout simplement entendu combien de temps ça a pris à l'époque pour aller sur la Lune et pour en revenir? Pour faire le voyage? Ouais. Ça doit être 3-4 jours de trajet, je crois. Ouais, ça a pris 73 heures à l'aller, ce qui est l'équivalent à peu près de 3 jours. Ouais, Un peu plus de 3 jours. Et en fait, le retour, est-ce qu'il a été plus long, est-ce qu'il a été plus court? Moi, je dirais plus long. Eh ben non. C'est pas qui est la plus longue ce soir. Non. En fait, ils ont pris 11 heures de moins au retour. Bon, après, j'ai pas les explications, mais voilà. C'est de savoir 73 heures en 3 jours et se dire aujourd'hui, avec les moyens, si on prend une voiture, si on prend un avion, etc., pour parcourir les kilomètres, qu'est-ce qu'on mettrait? Je me suis dit, ça nous parle pas forcément, les distances pareilles, etc. Mais si on avait besoin de parcourir la distance Terre-Lune avec un avion de type Airbus qui va à 900 km/h, on mettrait 18 jours. Ça va, en vrai. Ça va encore. Mais alors, faut pas s'arrêter, quoi. C'est 18 jours, vitesse constante. Tu peux pas faire pipi, alors t'as pas de pause pipi. Faut être ravitaillé en vol. T'as des toilettes dans les avions. Ouais. Oui, c'est vrai que t'es pas obligé de t'arrêter, c'est pas comme en voiture. Et avec une voiture, donc 100 km/h, donc sans s'arrêter, faudrait pas s'arrêter pendant 160 jours. Ah on ouais. va s'endormir en volant. Ouais, non, faut ah pas. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est alors, pas la même. J'ai pas noté tout le reste, mais ça nous donnait les exemples, après avec le vélo, à pied, etc., le nombre de jours. Mais bon, voilà, c'était amusant, c'est que j'aime bien m'amuser. Bon. Ouais, à pied, le GR20 à côté, c'est de la gnognotte, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, sinon, qui a été l'un des premiers grands aventuriers dès l'âge de 17 ans, avec un voyage qui a duré près de 25 ans? Marco Polo, ouais. Effectivement. Tu m'aurais pas dit 25 ans, j'aurais peut-être eu des doutes, mais 25 ans, je savais que c'était à peu près ce temps-là. Et 17 ans, il part pour un voyage de 25 ans, quand même. Bon, bah, à l'époque, 17 ans, tu sortais pas de l'école, en fait. Tu étais déjà dans la vie active depuis... Depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps, ouais. Et alors, on parlait alors de ce qui nous a marqué là, dans les aventures, le tour du monde en 80 jours. Jules Verne, ouais. Ça a forcément marqué, soit par les écrits, soit par ce qu'on vous en a dit, soit par les adaptations, quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a eu. Quel aventurier a fait le premier tour du monde en... complet? Bah, tour du monde. Parce que bon, on dit toujours que c'est Magellan, mais lui, il est mort. Oui, c'est Magellan. Et où est-ce qu'on trouve le nom de Magellan? Parce qu'il allait, on a donné son nom en fait. Sur une île? Une île, non? Non, un passage en Amérique du Sud. Détroit, le détroit de Magellan. Magellan, c'est le Cap Horn? Non. Je ne sais pas exactement où c'est, mais comme quand il a fait son tour, apparemment on a découvert cet endroit-là, on a appelé le détroit de Magellan. Ça serait bien le Cap Horn, ça serait à vérifier, mais ça serait bien le Cap Horn. On regardera ça en off et on vous dira ça la semaine prochaine. Voilà, c'est ça, oui, tranquillement, on regardera ça tranquillement. C'est ça. Voilà, sinon je voulais vous dire que l'aventure est au coin de soi-même, à condition de s'attendre au tournant. C'est Philippe Bouvard qui a dit ça. Ah. Les bouvardises. Ouais. Je crois que c'est les derniers bouquins qu'il a sortis. Là, il a repris un peu tout ce qu'il avait dit. Je crois que ça s'appelle Les Bouvardises. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.